Mes premiers amours de Roland Bauchery, enregistré pour LibriVox.org. Pour réchauffer ma muse trop glacée, pour animer ma verve et ma gaieté, il ne faudrait qu'une seule pensée qui me rendit à la réalité. Ah, si jadis ma voix fut indiscrète, elle a perdu ce défaut pour toujours. Mais laisse-moi, laisse-moi, ma Lisette, rêver encore à mes premiers amours. T'en souvient-il près de ta bonne mère, dont le sommeil avait fermé les yeux, qu'un certain soir je chantais pour te plaire, à basse voix, quelques refrains joyeux, d'un doux regard payant ma chansonnette, ta voix aussi me prêtait son secours. Ah, laisse-moi, laisse-moi, ma Lisette, rêver encore à mes premiers amours. Ta main souvent reposait dans la mienne, je la brûlais du feu de mes désirs. Et quand ma bouche osait toucher la tienne, là se bornaient nos innocents plaisirs. Pourtant ton cœur, pour cacher sa défaite, n'employait pas d'inutiles détours. Ah, laisse-moi, laisse-moi, ma Lisette, rêver encore à mes premiers amours. Je m'en souviens d'une rose entr'ouverte, l'épine un jour traversa ton corset. J'allais soudain d'une main trop alerte en arracher le bois qui te blessait. Ton front rougit, bientôt ma main s'arrête, ton innocence en suspendit le cours. Ah, laisse-moi, laisse-moi, ma Lisette, rêver encore à mes premiers amours. Rappelle-toi le jour de l'hyménée, quand du retour on donnait le signal, entre mes bras tremblantes, abandonnées, tes pleurs mouillaient ton bouquet virginal. Tu t'en souviens, car ta bouche est muette, en ce moment sourit à mes discours. Ah, laisse-moi, laisse-moi, ma Lisette, rêver encore à mes premiers amours. Le temps s'enfuit, mais ton œil brille encore, les ans n'ont fait qu'effleurer tes attraits. Si tu n'es plus à ta brillante aurore, c'est que ta fille en a pris les reflets. En te voyant parer sa collerette et présider à ses simples atours, je te revois, ô ma bonne Lisette, et rêve encore à mes premiers amours. Fin du poème, enregistré par Ezoie en Belgique en mars 2013. Cet enregistrement fait partie du domaine public.